الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. الله تبارك وتعالى ندي، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده. Et lorsque Luqman s'adresse à son fils tout en l'exhortant, c'est comme cela qu'était Luqman rahimahullah ta'ala. Et c'est comme cela que se doit d'être le père musulman et la mère musulmane exhortant ses garçons et ses filles. Et nous voudrions insister sur une erreur que beaucoup de pères et beaucoup de mères commettent malheureusement. Et ce, parce qu'ils n'éduquent pas leurs enfants selon le livre d'Allah et Azzawajal. Ni en l'apprenant, ni en le récitant, ni en apprenant ses règles, ni en méditant sur ses versets, ni en comprenant le sens de ses versets. Ayol ikhwatul karam. Malheureusement, beaucoup de pères et de mères ont été distraits quant à cette énorme obligation qu'ils ont envers leurs enfants, garçons et filles. Nous avons entendu de la part de certains pères dire et prétendre « Que fera mon fils avec le Coran s'il l'apprend ?» Subhanallah al-Azim. Beaucoup de pères et de mères, ayol ikhwatul karam, pensent que s'ils éduquent leurs enfants dans l'apprentissage du livre d'Allah azzawajal et dans la méditation de ses versets, cet enfant et ce fils perdra à cause de cela ses études, et cela le perturbera quant à ses leçons et ses morales. Mais nous lui disons, ô toi qui as peu de raison, ô toi qui as peu de raison et peu d'esprit, certes les musulmans, el muslimoun, n'ont brillé et ne se sont développés et n'ont progressé à l'époque, et ils n'ont gagné et ils n'ont été les meneurs de ce bas monde ad-dunya et non les menés que lorsqu'ils éduquèrent leurs enfants dans l'apprentissage du livre d'Allah et dans la connaissance des versets d'Allah et dans la méditation des règles et de l'accomplissement des actions et des prescriptions d'Allah et Azzawajal. Naam, les quatre imams ont appris le livre d'Allah et Azzawajal avant d'avoir atteint l'âge de la puberté, car leurs pères et leurs mères ont été assidus quant au fait de leur enseigner le livre d'Allah et Azzawajal. Les musulmans et les muslimounes n'ont brillé dans une science telle les mathématiques, telle la médecine, telle l'ingénierie, telle l'architecture, telle la philosophie, telle la chimie et d'autres sciences récentes et modernes, les musulmans ne se sont développés et n'ont brillé dedans et n'ont fait sortir des connaissances et n'ont été des surdoués qui étonnèrent tout ce bas monde ad-dunya que lorsqu'ils éduquèrent leurs enfants dans l'apprentissage du livre d'Allah. Et que lorsqu'ils accomplirent et appliquèrent les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam qui nous dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne aux autres. » Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne aux autres. Ils ont alors compris et saisi et su avec conviction que cette faveur ne pouvait être atteinte qu'en faisant apprendre aux enfants le livre d'Allah azzawajal et la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Naam. Et il faut également les éduquer, ayol ikhwa, sur la sunnah et le modèle et la tradition et le chemin du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Comme nous le dit Allah jalla wa ala, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour du jugement dernier et invoque Allah fréquemment. Tu te dois ainsi, ô toi le père musulman et ô toi la mère musulmane, les éduquer dans la sunnah d'Al Habib sallallahu alayhi wa sallam, dans la façon avec laquelle il dormait sallallahu alayhi wa sallam, avec laquelle il mangeait, avec laquelle il buvait, dans ses moments isolés, dans ses adorations, dans ses moments de tous les jours et de toutes les nuits, alayhi salat wa sallam, car la meilleure guidée et la meilleure voie et la meilleure tradition et le meilleur chemin est la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors y a-t-il un retour à yoli ikhwatul kiram dans l'éducation de nos enfants, garçons et filles, dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala? Quelle plus grande perte y a-t-il après la perte des enfants? Quel plus grand regret pourrait-il y avoir après la perte des enfants? Quelle plus grande honte y a-t-il après que tes enfants soient une honte pour toi, ô toi le père musulman, dans cette vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah? Quelle honte après cela? As'alullah an yusliha ahwalana wa idh qala luqman libnihi wa huwa ya'idhu. Lorsque Luqman s'adresse à son fils tout en l'exhortant, wa huwa ya'idhu, والوعظ dans la langue arabe, أيها الإخوة, comme nous dit Ibn Manzur رحمه الله dans son livre اللغة العربية, c'est le conseil et le rappel quant aux conséquences. L'exhortation est le conseil et le rappel quant aux conséquences. C'est pourquoi nous avons voulu parler de l'éducation des enfants en ce qui concerne ce verset. Et nous voudrions également et nous souhaiterions parler d'un danger et d'un grand problème que tous les musulmans d'Occident, dans lequel tous les musulmans d'Occident sont tombés, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Ceux, et ce problème, ayyuhal ikhwatul kiram, dans le fait de parler avec ses enfants avec une langue différente de la langue arabe. Qu'elle soit familière ou qu'elle soit littéraire. Ceci, wallah, ayyuhal ikhwa, est un grand crime et un énorme péché quant à l'obligation que l'on a envers nos enfants, garçons et filles. Nous voyons les autres personnes d'origine différente parler avec leurs enfants avec leur langue d'origine. Le français parle avec son enfant en français. L'allemand parle avec son enfant en allemand. L'africain parle avec son enfant en africain. Le chinois parle avec son enfant en chinois. L'arabe, il parle avec son enfant en français. Fa subhanallah al-azim. Tu es arabe. Ta femme est arabe, mais tu parles en français. Pourquoi cela ? Est-elle la preuve de la faible personnalité musulmane ? C'est l'abaissement et le rabaissement. C'est la servitude en ce moment de l'avancée technologique. Il ne t'est pas autorisé de parler à ton enfant qu'avec la langue arabe si tu es arabe. Même si c'est la langue courante, Ad-Darija. Car Allah Jalla wa Ala a fait descendre son livre sacré en langue arabe. Allah a voulu faire descendre le Coran dans une langue arabe. Ainsi le fait de parler à tes enfants avec une autre langue que la langue arabe joue avec conviction sur le comportement de cet enfant et sa façon de penser, et cela empêche à cet enfant de comprendre le livre d'Allah Azza wa Jal, le livre de son Seigneur et de son Créateur Tabaraka wa Ta'ala. Ainsi ayyuhal ikhwatul kiram, cela empêche également à l'enfant de comprendre la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et sachez que le fait d'apprendre la langue arabe est obligatoire pour tout le monde sur cette terre. Pourquoi ? Car le fait de comprendre le livre d'Allah et Azza wa Jal est obligatoire pour tout serviteur, musulman ou non musulman. Ainsi le fait d'apprendre la langue arabe est obligatoire pour tout le monde, afin qu'il comprenne et qu'il saisisse et qu'il médite sur le livre d'Allah et Azza wa Jal. Si Allah, ayyuhal ikhwatul kiram, si Allah avait voulu descendre son livre avec une autre langue que la langue arabe, il nous aurait obligés d'apprendre cette langue, afin de comprendre ses règles, et afin d'apprendre ses règles, écoutez ce que nous dit l'imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala dans son livre al-Risala. Tout musulman doit apprendre la langue arabe du mieux qu'il puisse jusqu'à ce qu'il témoigne que la ilaha illallah wa anna muhammad al-rasulallah et qu'il récite le livre d'Allah azza wa jal. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit dans son livre Suive le chemin droit, al-lughatul arabiyya, la langue arabe fait partie de la religion ad-din et le fait de l'apprendre est obligatoire. Et il nous dit dans un autre endroit, al-lughatul arabiyya, la langue arabe fait partie de l'islam et elle n'est pas que dans la religion mais elle est également dans le comportement et dans la nature. Wa Shaykh Muhammad Abdou rahimahullah ta'ala nous dit, le fait de ne pas connaître la langue arabe est une énorme cause dans le fait de ne pas comprendre le livre d'Allah. Et dans le fait de ne pas comprendre la langue de nos prédécesseurs as-salaf as-salih. Ainsi, ayol ikhwatul kiram, la conclusion de tout cela est qu'il est obligatoire et qu'il nous incombe à tous d'apprendre et d'enseigner à nos enfants la langue arabe, al-lughat al-arabiyya, et de la faire apprendre à nos enfants, ayol ikhwatul kiram. Et il faut également parler avec ses enfants avec la langue arabe, même si c'est un dialecte darija, parle-lui en algérien, parle-lui en tunisien, parle-lui en marocain ou en une autre langue arabe, mais ne lui parle pas en français. Et nous ne disons pas que le fait d'apprendre la langue française n'est pas autorisé. Pas du tout. Et au contraire, nous ne disons pas également que le fait d'apprendre une autre science récente ou moderne n'est pas autorisé, afin que certains ne portent pas nos paroles vers où on ne porte pas nos paroles. Nous ne disons pas que les enfants al-awlad doivent tous être des prêcheurs à Allah, tous être des imams faisant vibrer les piliers des minbars, des mosquées, non. Mais nous avons besoin du docteur musulman, et nous avons besoin de l'ingénieur musulman, et de l'électronicien musulman, et nous avons besoin de la femme médecin musulmane, et de la femme ingénieure musulmane. Oh, vous qui accusez l'islam d'interdire le travail à la femme, L'islam n'interdit pas le travail à la femme s'il est sous les conditions et les prescriptions religieuses de l'islam. Voilà en ce qui concerne, ayyuhal ikhwatul kiram, le verset d'Allah Azza wa Jal. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuh. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, et nous projetons et nous retardons la parole d'Allah Jalla wa Ala et l'explication de la parole et de ce verset, et l'explication et l'interprétation de ce verset pour la semaine prochaine, bi'idnillahi azza wa jal. Si Allah nous écrit, nous décrète la vie et la rencontre, innahu wa liyudhalika wal qadiru alayh, lui seul en a la capacité et le pouvoir. Wa as'alullaha Jalla wa Ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Et je demande à Allah Jalla wa Ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il fasse que nous éduquions nos enfants de la meilleure des éducations, et qu'il fasse et permette à tous les jeunes musulmans d'apprendre leur langue arabe. Innahu wa liyudhalika wal qadiru alayh, lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayyuhal ikhwatul kiram, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. والحمد لله رب العالمين.